Tous ceux qui claquent du cul, on va pas les respecter. Si on est des rats, on est venu vous infester. Tous ceux que tu connais sont des comédiennes. Écoute TPS, qui en crape le à la promédienne. Raid du TPS, tu peux pas tester, on sort des quartiers. Salopard, on départ, mais t'en prends rien à l'arrivée. 9-8-0, prêt à faire sauter, t'as son euro, t'es neuro. Demande à sa go, et passez le mago. Alors moi, tu règles, j'appuie sur règle, TBS, toilette. Ça résonne tout ton oreiller, dans ton oreillette. Sur MySpace, sur internet, on est là, t'inquiète. Ouais, vas-y, fixe sur la silhouette, c'est la faute. Les muscles, ton corps et ton cerveau. Mon pote, qu'est-ce que t'en penses quand TBS te viole de la sorte? C'est Ride du TBS qui débatte de sa comète. 6-9, ma planète pas nette. À côté de la mer, on aime la bouffe, le shit et les culs bien gras. T'as rendu compte que le rap est devenu ingrat. C'est des sapris à peau sur Bénitiaveux. Un bon savon pour les pelles à peau diabon. On vient foutre la merde sur un son barbare. On vient foutre la merde sur un son barbare. On vient foutre la merde sur un son barbare. Malgré quelques galères, tu peux pas nous faire taire. Ça brillait, ma bande le S, mets-toi à l'aise. On lâche l'air, fume vert, se met une 16, fais le TBS. C'est le TBTBS qui arrive comme un très gros sexe. Dans ta touche, c'est la teuf. Vas-y, bouge tes fesses, on s'en bat les couilles, y'a pas de thème. Pas de blabla, on baisse. Ouais, sus là, ouais, sus là, casse-toi. J'ai appris qu'elle voulait pas me la gomme. En plus dans son poste elle ne met que de la dope. J'ai déjà eu ma dose, sa pute de mer. C'est jeune, elle est chaude, donne ma place. Bleu croche des coches accroché dans mon menton. Lève-toi et marche, miss, viens faire la bise à ton ton. Allons vers, je suis sur la piste, t'as du talent. Sache qu'il y a des bonbons, des friandises dans mon pantalon. Mais si j'insiste pour un bisou, vas-y tease ton jean fizz. Allez jean salaud, je désipe, t'as du palace et d'OBZ comme Zoom. TBS, j'ai tes fesses en l'air sur tes ronçons. C'est Edgar sur ma chouba délicate. Tendance plutôt pelliqueuse sur son plutôt pelliqueur. Elle demande plus pourquoi j'y mets autant de cœur. Les capteurs, les cassos, les pasteurs, les salsos, les sapeurs, les bastos, les alphas, c'est fastos. Et 15-3 si t'aimes pas TPS là. On bosse sur de bonnes bases, ils marchent avec vos messes basses. TPS. Dégoûté, dégoûté, découplé, découpé par des incompétents. On est plus fort que vous, voilà ce qu'on prétend. 6-9 pétant, je vais taper à la surprenante. C'est du rap de bonheur, rap entrepreneur. Mélangeons la mélodie, les mélodies, la mélanine. Elle s'illumine la poche sur laquelle je mets la mine. C'est pas pour rien si j'écris toute la nuit. Nouveau projet en espérant qu'il y ait du boulot cette année. Quand tu fais la peine, quand t'es tout à gauche, je sors pas les coups de ta gueule. La sorte au carton, en chien, au charbon. Après du canon, ça m'est arrivé de bouillave des tons. J'ai lâché le micro. 9800, mon frère, ouais! TBS Clan, waouh! TBS représente, ouais!